Arsène Lupin, L'aiguille creuse, de Maurice Leblanc. Deuxième épisode. Adaptation Gabor Rassoff. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Arnaud Bédouet, Martin Amic, Bruno Alain, Éric Elmosnino, Alain Rimoux, Jean-Gabriel Nordman, Jérôme Chapat, Guillaume Clessen, Philippe Dorios. Arsène Lupin ? Le grand aventurier, le roi des cambrioleurs ? Était-ce possible que ce fût lui, l'adversaire abattu et cependant invisible, après lequel on s'acharnait en vain depuis plusieurs jours ? Quelles incroyables perspectives soudain pour le juge Filleul qui menait les investigations ? Car Arsène Lupin arrêté, c'était l'avancement immédiat, la fortune, la gloire. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, inspecteur Ganimard ? Parbleu ! Vous non plus, vous n'avez jamais douté que ce fût lui l'organisateur de cette affaire. Pas une seconde, la signature y est. Un coup de Lupin ne ressemble à aucun autre. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. La preuve, elle est dans l'adresse. ALN bureau 45. A comme Arsène, LN première et dernière lettre de Lupin. Oh, rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type. Et le vieux Ganimard met bas les armes. Alors, il serait là ? Oui, monsieur le juge, il est là, depuis la minute même où il est tombé. Vous oubliez l'incendie. Ses amis en auront profité pour l'emmener. Non, c'est là qu'ils ont amené un docteur, tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants. Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sûre retraite. Il est là, j'en suis sûr. Comme si je le voyais, comme si je le touchais. Oui, Arsène Lupin était là, on ne pouvait en douter. Et il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique, à savoir que dans quelques refuges ténébreux gisait à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisé, le célèbre aventurier. Et s'il meurt ? S'il meurt, il nous faudra veiller au salut de Raymonde, car la vengeance de ses complices sera terrible. Du jour au lendemain, Isidore fut un héros. Les reporters se ruèrent à l'assaut du lycée Janson. Ses camarades ne se firent pas prier pour raconter combien depuis longtemps déjà on s'émerveillait à Janson de voir avec quelle sûreté d'analyse, au moyen de quelles ingénieuses déductions, il résolvait toujours les problèmes les plus ardus. Pendant ce temps, Filleul faisait fouiller le quadrilatère de ruines. Presque chaque jour, il venait diriger les opérations. Mais de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait, il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir. Dans un de ses éditoriaux, le rédacteur en chef du grand journal interpella Isidore Beautrelet. Pourquoi ne finissait-il pas ce qu'il avait si bien commencé ? Monsieur, il n'y a pas que Lupin en ce monde. Il n'y a pas que des histoires de cambriolage et de détectives. Il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me présente en juillet, nous sommes en mai... Et je ne veux pas échouer. Que dirait mon père ? Mais que dirait-il si vous livriez à la justice Arsène Lupin ? Bah, il y a un temps pour tout. Aux vacances de la Pentecôte, je partirai par le premier train. Et le soir même, Arsène Lupin sera pris. Me laisserez-vous jusqu'au lendemain ? Et les vacances finirent par arriver. Il prit le train pour Dieppe. Son compartiment était vide. Assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir d'un lourd sommeil. À son réveil, une large feuille de papier fixée par une épingle s'offrait à ses regards. Elle portait ces mots : chacun ses affaires, occupez-vous des vôtres. Sinon, tant pis pour vous. Parfait. Ça va mal dans le camp adverse. Cette menace est stupide. Et puis quel style. On voit bien que ce n'est pas Lupin qui tient la plume. En gare de Rouen, Isidore fit deux ou trois tours de quai pour se dégourdir les jambes. Il se disposait à regagner son compartiment quand un cri lui échappa. En passant près d'une librairie, il avait lu distraitement à la première page du journal de Rouen ces quelques lignes. Dernière heure. Des malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Ambrumésie. Après avoir bâillonné la fille du comte de Gesvres, ils ont enlevé sa cousine Raymond de Saint-Véran. Des traces de sang ont été retrouvées à 500 mètres du château. Il y a lieu de craindre que la malheureuse n'ait été assassinée. À son arrivée au château, le juge Filleul lui confirma l'horrible nouvelle. Monsieur le juge, je viens de ramasser ce papier à côté de l'endroit où l'on a trouvé les traces de sang. Merci, brigadier. Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. C'est un message codé, écoutez. 2.1.2.2.1. Oui, sur la quatrième, plus mystérieux encore. DG19G44X357. Enfin, la dernière ligne. 1.3.53.2.25.2. Encore un mystère. En tous les cas, le comte a télégraphié à Herlock Sholmès, lequel a promis son concours pour les jours à venir. Herlock Sholmès, le fameux détective ? L'ennemi intime de Lupin ? Lui-même. Pour en revenir à Raymond, pourquoi les malfaiteurs, s'ils étaient venus avec l'intention de la tuer, ne l'ont-ils pas frappé dans sa chambre ? Peut-être l'incident qui les a déterminés ne s'est-il produit qu'à leur sortie du château. Peut-être la jeune fille avait-elle réussi à se débarrasser de ses liens. En tous les cas, c'est au pied du gros chêne qu'ils ont frappé. Les preuves que j'ai recueillies sont irréfutables. Mais le corps ? À quelques centaines de mètres du gros chêne, il y a un précipice. Et en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou deux, une marée plus forte ramènera le corps sur la grève. Tout cela est fort simple. Oui. Lupin est mort, et pour se venger, ses complices ont assassiné la malheureuse. Quelque chose pourtant ne satisfaisait pas Isidore. On ne pouvait pas se contenter des faits. Il fallait prendre l'affaire par un autre angle, et cet angle, celui où l'adversaire lui paraissait vulnérable, c'était la disparition des Rubens. Quatre objets de cette dimension ne pouvaient s'escamoter si facilement. Il s'enquit du chemin qu'on avait pu leur faire prendre et finit par découvrir le charretier qui les avait transportés jusqu'à la péniche où on les avait embarqués. C'était Vatinel, un de ces vieux Normands méfiants dont la langue se délia sous l'influence de quelques pièces d'or. Ah oui, monsieur. Les gens de l'automobile m'avaient donné rendez-vous à 5 heures et m'ont remis 4 grandes machines. Et nous avons porté la chose jusqu'à la péniche. Vous parlez d'eux comme si vous les connaissiez déjà. Ah ben, je vous crois que je les connaissais. C'était la 6e fois que je travaillais pour eux. Vous dites la 6e fois ? Ouais. Et depuis quand ? Bah oui, tous les jours d'avant celui-ci, parbleu. Mais alors, c'était de gros morceaux de pierre enveloppés. Et ils portaient ça comme le Saint-Sacrement. Ah, vous revoilà, Isidore. Alors êtes-vous content de votre campagne ? Enchanté, monsieur. Avant 10 minutes, nous aurons découvert la cachette de Lupin. Et comment ? Voilà 2 mois que nous la cherchons en vain. La cachette de Lupin ne constitue pas tout le problème. Quant aux Rubens et aux autres pièces dérobées, nous verrons. Enfin quoi ? Rien d'autre n'a disparu. Si ! Quelque chose que l'on a remplacé une fois encore par des copies. Si vous voulez bien me suivre jusqu'à la chapelle Dieu... Vous voulez savoir, monsieur le juge ? Et comment ? Mais pourquoi cassez-vous cette statuette ? Mais vous êtes fou ! Ce vieux saint était admirable. Admirable ? mouvement de plus, monsieur Beautrelet, et je tire. Tirez donc là-dessus, monsieur le comte. Tirez là-dessus comme à la foire. Tenez, Saint-Jean-Baptiste qui porte sa tête à pleine main. Oh ! Oh ! Une telle profanation ! De pareils chefs-d'œuvre ! Du toc, monsieur le comte. Quoi ? Que dites-vous ? Du toc. Du carton-pâte. Oh ça ! Est-ce possible ? Du soufflet, du vide, du néant. Regardez bien, monsieur le comte. Du plâtre. Oh. Du plâtre patiné, moisi, verdi comme la pierre ancienne. Mais du plâtre. Oh. Des moulages de plâtre. C'est tout ce qui reste du pur chef-d'œuvre. Voilà ce que Charpenet, le copiste des Rubens, a préparé il y a un an. Oh. Qu'en pensez-vous ? Est-ce beau, énorme, gigantesque ? La chapelle enlevée ! Toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre ! La chapelle Dieu et tout son peuple d'inestimables statues volées et remplacées par une chapelle en stuc. N'est-ce pas formidable ? Ah, monsieur le juge, quel génie que cet Arsène Lupin ! Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une puissance, une adresse qui me donne le frisson. Dommage qu'il soit mort. Sans quoi il eût fini par voler les tours de Notre-Dame. Ce n'est pas tout, monsieur le juge. C'est ici que, blessé par la nièce de monsieur le comte, Lupin s'est réfugié. C'est ici qu'il s'est traîné jusqu'à ce refuge de pierre qui devait être son tombeau. Son tombeau. Impossible, nous l'avons fouillé. Mal. En cherchant dans les archives de la mairie, j'ai appris qu'il existait une crypte sous la chapelle. Monsieur le comte, si vous voulez bien nous ouvrir la porte. Regardez. Les dalles du sol ont été respectées. Mais il est facile de se rendre compte que le maître-autel n'est plus qu'un moulage. C'est en travaillant ici que Lupin a découvert un passage vers la crypte. Nous allons en avoir le cœur net. Fiche. J'ai hâte de savoir. Moi aussi. Ou 4 mètres. Vous voulez descendre, monsieur le juge ? Attention. Il manque des marches. Je vous suis. Le cœur battant, les trois hommes s'engouffrèrent dans l'excavation découverte. Ils descendirent 18 marches exactement, quand soudain, une odeur violente, immonde, les heurta. Une de ces odeurs de pourriture dont le souvenir, par la suite, vous obsède. Oh ! Cette odeur. Ils en eurent le cœur chaviré. Beautrelet ! Voyons, monsieur le juge, remettez-vous. Beautrelet. Il est là. Hein ? Oui. Oh. Il y avait quelque chose sous la grosse pierre qui s'est détachée de l'autel. J'ai poussé la pierre et j'ai touché. Oh. J'oublierai jamais. Où est-il ? de ce côté. Sentez-vous cette odeur? Oh putain! Regardez! Oh! Devant eux, à moitié nu, le cadavre s'allongeait, maigre, effrayant. La chair verdâtre au ton de cire molle apparaissait par endroits, entre les vêtements déchiquetés. Mais le plus affreux, ce qui avait arraché à Isidore un cri de terreur, c'était la tête. La tête informe que venait d'écraser le bloc de pierre, masse hideuse, où plus rien ne se pouvait distinguer, et quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité, ils virent que toute cette chair grouillait abominablement. En quatre enjambées, Beautre les remonta et s'enfuit au grand jour, à l'air libre. Le juge le retrouva couché à plat ventre. Tous mes compliments, Beautre les. C'est bien Arsène Lupin. Le linge est marqué aux initiales ALN. Il me semble, n'est-ce pas, que la preuve suffit. Monsieur le juge, des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin sur les rochers le cadavre d'une jeune femme. Un cadavre affreusement mutilé et on a pu établir son identité que grâce à une fine gourmette d'or incrustée dans la peau tuméfiée. Cette gourmette était l'ultime souvenir que la malheureuse mademoiselle Raymonde avait de ses parents. Tout s'enchaîne. Quoi ? Tous les faits. Un à un, même les plus contradictoires, même les plus déconcertants, viennent à l'appui d'une hypothèse que j'ai imaginée depuis le premier moment. N'avez-vous rien entendu, monsieur le juge ? On dirait des pas. Des pas ? Oui. Là, derrière les fourrés ! Ah. Il n'y a plus personne. Mais la plate-bande a été foulée. Nous sommes surveillés par quelqu'un qui est dans la place. Rentrons. Nous serons plus à l'abri pour vous faire les révélations promises. Vous n'avez parlé à personne, monsieur, du document codé que vous m'avez remis? Ben non, bien sûr. Y attacheriez-vous une grande valeur? Immense. Voilà. Vous avez remarqué que, mis à part la quatrième ligne, nous n'avons que des points et des chiffres, et qu'aucun de ces chiffres ne dépasse 5. C'est vrai. Nous avons donc bien des chances que chacun de ces chiffres représente une des 5 voyelles de l'alphabet. Restent les points, qui symbolisent sans aucun doute les consonnes. Je me suis amusé à tenter d'en trouver la signification, et après moult tâtonnements, 3 mots me sont apparus. Le second de la deuxième ligne, qui ne peut être que « demoiselle ». Au pluriel? Tout à fait. S'agirait-il des 2 demoiselles, Raymonde et Suzanne? On peut le supposer. Et les 2 mots de la dernière ligne, qui, d'après mes déductions, seraient « aiguille creuse ».« Aiguille creuse ». J'admets que votre solution est juste, mais en quoi nous avance-t-elle? En rien. Pour le moment, en tous les cas. L'autre chose qui me préoccupe, c'est le papier dont ce document est fait. Une sorte de parchemin. Et l'usure de ces plis qui paraît si ancienne. Monsieur le juge, c'est moi, Greffy Bridoux. Le procureur général demande à vous voir. Procureur, ici? Il est resté dans sa voiture à la grille. Il vous prie de bien vouloir le rejoindre. N'a qu'un mot à vous dire. Bizarre. Enfin, nous allons voir. Restez ici, Beautrelet, je reviens. Eh bien, quoi? Que faites-vous? Pourquoi nous enfermer? Ne serons-nous pas mieux pour causer? C'était un drôle d'être, ce Bridoux, contrefait, qui tenait en équilibre sur des jambes très longues et très frêles un buste énorme, rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses. Un visage osseux, un petit front bas, indiquait son obstination un peu bornée. Il tenait un revolver à la main. Beautrelet chancela. Si jeune. Sa dernière heure était-elle arrivée? Donne-moi le papier, ou alors... Vite, le papier. Le doigt replié du greffier pesait sur la gâchette. Encore un minuscule effort et c'en serait fini d'Isidore. Sans hésiter plus, Isidore sortit son portefeuille et le tendit au bandit. Il est là, dans mon portefeuille. Parfait. Te voilà raisonnable, un peu froussard, mais du bon sens, je préfère ça. Tant qu'on peut éviter de tuer, après tout. Vide! Tu cherches à me rouler! Tant pis pour toi! Raté! Le lendemain, les gazettes eurent beaucoup à raconter. Le trucage de la chapelle, la découverte du cadavre de Lupin, celui de Raymonde, et enfin le vol du papier codé, et le jeune Isidore Beautrelet, frappé d'un coup de couteau par l'infâme greffier. Le pauvre Isidore hors de combat, qui désormais pourrait combattre contre la bande de Lupin? Personne. Aussi, c'est jour après jour que les journaux suivaient l'évolution de la blessure d'Isidore. Quelle désolation quand on crut au début sa vie en danger. Puis quel soulagement, quel enthousiasme quand les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre. On s'émut de la présence à ses côtés de son vieux père. On s'attendrit devant sa convalescence rapide et joyeuse. Puis on attendit, avec impatience, que le jeune homme prononçât les mots définitifs que seul le couteau du criminel l'avait empêché de confier au juge. Sans doute, aurait-on l'explication complète de ce document codé que l'ignoble Brédoux lui avait arraché à coups de couteau? L'aiguille creuse. Association déconcertante de deux mots. Incompréhensible question que posait ce morceau de papier dont la provenance même était inconnue. Mot magique qui donnerait un sens à la grande aventure du défunt Lupin? On ne savait rien. On allait savoir. Tranquillement installé chez lui, le juge Filleul lisait la dernière édition du grand journal qui annonçait que dès le lendemain, Beautrelet, enfin remis, révélerait le secret de l'affaire. Le secret, tous les secrets du château d'Ambrumésy, avant même que la justice n'en soit informée. Ça promet, hein? Qu'en pensez-vous, mon cher? Qui êtes-vous? Le juge sursauta et chercha l'arme qui sans doute le menaçait. Il n'en vit pas. Seulement un homme jeune, au visage énergique, aux longs cheveux blonds, et dont la barbe un peu fauve se divisait en deux pointes courtes. Toute sa personne avait quelque chose d'austère et de grave qui inspirait le respect. « Et comment êtes-vous entré ici? Que venez-vous faire ?»« Vous ne me reconnaissez pas? Cherchez bien, voici un indice. Je suis quelqu'un que vous pensiez ne plus jamais rencontrer. »« Vous mentez ?» Vous n'êtes pas celui que vous dites. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi pensez-vous à celui-là plutôt qu'à un autre? Non, non, non, cela ne se peut pas. Est-ce que je suis de ceux qui meurent, moi? Mourir ainsi d'une balle tirée dans le dos par une jeune fille? Oh, vraiment, c'est mal me juger. Comme si moi je pouvais consentir à une pareille fin. Arsène Lupin. Oui, Arsène Lupin. Le seul et unique Lupin, de retour du royaume des morts, puisqu'il paraît que j'ai agonisé et trépassé dans une crypte. Lupin, heureux et libre, sous ce nouvel aspect que je me suis choisi, et qui, ma foi, me convient plutôt bien. Mais comment êtes-vous entré? Eh bien, par la porte, comme tout le monde. Elle est fermée à clé. Croyez-vous qu'un homme que la mort n'arrête pas serait stoppé par une simple serrure? J'ai donné rendez-vous ici. D'ailleurs, il ne devrait plus tarder. Ah, surtout ne vous dérangez pas. Lupin chez moi. Et pour un rendez-vous. Il y a de quoi devenir fou. Isidore. Lupin alluma toutes les lumières. Et les deux hommes se regardèrent profondément, comme si, de tout l'effort de leurs yeux ardents, ils essayaient de se pénétrer l'un l'autre. Et c'était un spectacle impressionnant de les voir ainsi, graves et silencieux. Merci, monsieur Beautrelet, de m'avoir accordé cette entrevue avec tant de bonne grâce. Je me permets de vous rappeler que l'invitation était accompagnée d'une menace, et qu'elle visait mon père. Votre père. Votre père que vous affectionnez vivement. J'ai joué de cette corde-là. Et me voici. En tous les cas, si vous n'acceptez pas mes remerciements, vous ne repousserez pas mes excuses pour la brutalité dont le sieur Brédoux a fait preuve à votre endroit. J'avoue que je fus surpris. Ce n'était pas la manière habituelle d'agir de Lupin. Un coup de couteau. Le sieur Brédoux est une nouvelle recrue. Et avec cette ardeur propre à tout néophyte qui veut se distinguer, il poussa le zèle un peu loin et contraria mes plans, en se permettant de sa propre initiative de vous frapper. Oh, c'est là un petit malheur. Que voulez-vous ? Vos révélations sont promises au journal que voici. L'article est prêt, dans une heure il sera composé, demain il paraîtra. C'est juste. C'est un des rédacteurs du journal qui l'a. Si à minuit je ne suis pas au journal, il le fait composer. Tu diras que je suis mort, sinon ! Sinon ? Sinon ton père sera enlevé cette nuit. J'ai promis de parler, je parlerai. Oui, tu parleras. Et tu diras exactement ce que j'exige que tu dises. Je dirai la vérité. On saura que Lupin est vivant et on saura aussi pourquoi il veut qu'on le croie mort. Et mon père ne sera pas enlevé. Cette nuit, sauf avis contraire de moi, deux hommes entreront dans sa chambre et s'empareront de lui de gré ou de force. Mais tu ne comprends donc pas, brigand, que j'ai pris toutes mes précautions. Vois-tu, Lupin, ton grand défaut, c'est de croire tes combinaisons infaillibles. Elles ne le sont pas. Tu crois mon père vulnérable, seul en sa voix ? Il est à Cherbourg, dans la maison d'un employé de l'Arsenal, Arsenal fermé la nuit, et où il est gardé par 20 amis qui ont ordre de ne pas le quitter de vue jusqu'à la fin de notre bataille. Qu'en dis-tu, maître ? Tiens, bébé, lis ça. Que signifie je ne comprends pas. Et tu comprends bien le premier mot. C'est l'endroit d'où il fut expédié, Cherbourg. Il me semble que la suite n'est pas moins claire. Enlèvement du colis terminé, attendons instruction pour la suite. Le colis, c'est... C'est ton père, bravo, tu as deviné. Papa ! Papa ! Lupin prit son chapeau comme excédé par cette crise inattendue de sensiblerie. Mais arrivé au seuil de la porte, il s'arrêta. Puis revint lentement vers le jeune homme qui ne pouvait empêcher ses larmes de couler. Et là, sans raillerie, ni même cette pitié offensante des vainqueurs... Ne pleure pas, petit. Ce sont là des coups auxquels il faut s'attendre quand on se jette dans la bataille tête baissée. C'est notre destin de lutteur qui le veut ainsi. Il faut subir courageusement. Dès la première heure, j'ai senti pour toi une sympathie involontaire. De l'admiration, même. Mais il faut que tu renonces à me défier. Au moment même où tu croiras saisir la victoire, elle t'échappera. Il y aura quelque chose à laquelle tu n'auras pas songé, un rien, un grain de sable que j'aurai placé à ton insu pour te tromper. Je t'en prie, renonce, ou je serai obligé de te faire du mal, et cela me désole. Encore une fois, si demain l'article paraît tel que je le demande, je libérerai ton père. Soit. Je me soumets à vos conditions. C'était Arsène Lupin, l'aiguille creuse, de Maurice Leblanc, deuxième épisode. Avec Arnaud Bédouet, le narrateur, Martin Amic, Isidore Beautrelet, Bruno Alain, l'inspecteur Ganimard, Éric Elmosnino, Arsène Lupin, Alain Rimoux, le juge Filleul, Jean-Gabriel Nordman, le comte de Gèvres, et Jérôme Chapat, Guillaume Clessen, Philippe Dorios. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Noélie Pellegrin, Dimitris Capolan. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Michel Sidoroff.